Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Tintin et Chang, la plus belle histoire d'amitié dans l'univers de la bande dessinée, sans doute. Amitié née en Chine, amitié prolongée au Tibet. Et comment ? Les auditeurs qui, les mardis, jeudis et samedis, suivaient sur France 2 régionale les aventures de Tintin au Tibet et qui avaient sans doute lu, semaine après semaine, les mêmes aventures dans le journal de Tintin ou en album chez Casterman, savaient quelles étaient la force et l'obstination de Tintin, sauver Chang. Chang, tout le monde l'imaginait mort au cours d'une catastrophe aérienne. Tout le monde, sauf Tintin. Ainsi que le prouvent les épisodes 14, 15, 16 et 17 diffusés pour la première fois sur France 2 régionale du 27 octobre au 3 novembre 1960. Un document INA. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé. Un feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale de Vincent Vial. Réalisation René Villemain. Aujourd'hui, Tintin au Tibet, 14e épisode. Au moment où, abandonnant tout espoir, Tintin et ses compagnons vont redescendre dans la vallée, notre jeune ami aperçoit, accroché à une paroi, une écharpe jaune. Quelques instants après, Haddock, cherchant à son tour à repérer l'écharpe, pousse un hurlement, bégaye d'émotion, ne trouve pas ses mots, mais pointe un index vengeur dans la direction de la montagne. Tintin et Tarquet ne comprennent rien à cette soudaine exaltation. Là-haut, je l'ai vu! Je suis sûr que c'est lui! Oh, mille sabords de tonnerre de braise! Mais enfin, capitaine, qu'avez-vous vu? Mais le Yétolaï! Le Yéyalati! Le Teyola! Oh, flûte! Le truc, le machin, le Yéti, quoi, là-haut! Le Yéti, vous êtes sûr? Mais certain, je l'ai vu comme je vous vois. Une sorte d'énorme gorille avec une tête en forme d'obus. Oh, pas beau à voir, je vous jure. Repassez-moi les jumelles, capitaine. Ah, il a surgi derrière un rocher là-haut, à droite, et a détalé comme un lapin. Non, je ne vois rien, c'est curieux. Tenez, Tarquet, regardez à votre tour. Oui, Saïb. Vous me prenez pour un halluciné, hein? Oh, capitaine, enfin. De toute façon, pour moi, Yéti ou pas Yéti, je continue. Et moi donc? Oh, il y a longtemps que je désire avoir une explication avec cette espèce d'anthropopithèque. Parfait. Et vous, Tarquet? Non, Saïb. Moi, pas suivre toi. Toi, très courageux, mais pas connaître le danger montagne. Toi, pas raisonnable, Saïb. Tant pis, nous irons seuls. Le capitaine va vous payer ce que nous vous devons, Tarquet. Vous savez, je suis désolé. Non, chargez-vous de cette besogne, fiston. Moi, je vais préparer un peu de porridge sur le réchaud à essence. Hein. Eh bien, comme vous voudrez, capitaine. Moi, j'ai une de ces faims. Allez, viens, Milou. Oui. Et puis, il faut être d'attaque pour rencontrer l'autre ouistiti géant, là. Oh, capitaine! Attention au réchaud! Pas trop de pression! Soyez tranquille! Oh, ma parole, il me prend pour un incapable. Oh oui! Encore un petit coup de piston. Là! Et maintenant, les allumettes. Voilà. Capitaine, vous n'êtes pas blessé? Non, je ne crois pas. C'est cette espèce de fourmi. Ah ouais, je comprends. Eh bien, le porridge, ce sera pour une autre fois, hein? Je crois, oui. Quand nous aurons réparé le réchaud. Eh bien, mon toutou. Menon, quelques poils roussis, c'est tout. Va. Oui, je sais, mais nous mangerons plus tard, Milou. Maintenant, nous allons prendre congé de Tarquet. Nous allons rester tous les trois. Et notre premier objectif, l'écharpe jaune. On se dit adieu et Tarquet s'éloigne dans l'étendue glacée. Tout à coup, Tintin écarquille les yeux. Haddock emboîte le pas au Sherpa. « Il en a assez, clame-t-il, assez des montagnes, assez du yéti, du froid, du réchaud, assez de tout. » Mais Tintin connaît son point sensible et accuse le capitaine d'avoir la frousse. C'est plus qu'il n'en faut. Haddock, sous l'insulte et avec l'aide de quelques gorgées de cognac, fait volte-face et le sourcil froncé reprend la direction de la paroi rocheuse. Et il en entreprend l'escalade, sans écouter les conseils de prudence de Tintin. « Capitaine! Attention, capitaine! Pas si vite, capitaine !» Attendez-moi, nous devons nous encorder. Encordez vous-même? La frousse, moi? Oh, tonnerre! J'aime autant vous le dire, quand je le rencontrerai, votre yéti, ça fera des étincelles. Ah, Tintin! Mon piolet qui prend feu! Ça crépite! Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est rien, capitaine! C'est un phénomène météorologique! Comme celui qui fait jaillir des éclairs à la pointe des mâts. Ah, des feux Saint-Elme, alors! C'est à peu près ça, oui. Restez sur cette petite plateforme, j'arrive! Nous allons nous encorder! Ah, je me prenais pour une centrale électrique. Là. Voilà, j'y suis. Il y a de la place pour deux, fiston! J'arrive! C'est raide, hein? Oh, plutôt, oui! Et puis Milou a du mal à me suivre! Il va falloir que je le hisse au bout de la corde! Oui, et ce n'est que le commencement de la paroi! Regardez là au-dessus de la plateforme! La paroi est à peu près verticale, ça promet du plaisir! Ouais! Courage, capitaine! Nous réussirons! Je veux l'espérer! Tintin rejoint bientôt Haddock sur la petite corniche. Là, il s'encorde, puis notre ami abandonne une partie de son chargement pour faire une place à Milou dans son sac. Enfin, les deux hommes abordent la paroi, Tintin en premier de cordée. Lentement, ils se rapprochent de l'endroit où ils ont vu l'écharpe jaune. Après une demi-heure d'effort, ils l'atteignent enfin. Puis l'ascension reprend, plus pénible encore. Attention, capitaine! Ce passage est très difficile! Assurez-vous bien! Attention à vos prises! Et dire qu'il y a des gens qui font ça pour le plaisir! Votre pied droit! Plus à droite, capitaine! C'est ça! Vous avez une aspérité! Là! Non, pas celle-là! Voilà! Votre main! Un peu plus haut! Assurez-vous! Malheur, il dévisse! Heureusement que je l'ai vu partir. Oh, ce qu'il est lourd! Grâce à vous, je l'ai échappé belle! Puis j'ai eu chaud! Oui! Je suis ventre au rocher et je marque bout sur les mains! Oh, cette corde de nylon, c'est formidable, hein! Elle a résisté au choc et maintenant je suis suspendu dans le vide! Oui, je sais! Dites donc, comment allez-vous faire pour me hisser jusqu'à vous? Impossible, capitaine! Je suis en surplomb! Et si je fais le moindre geste, c'est le grand plongeon pour tous les deux! 1000 millions de savants! Qu'allons-nous devenir ici? Attendez, j'ai une idée! Tenez bon, de votre côté, moi je vais essayer de prendre pied sur une aspérité en me balançant. Attention, je commence! Oh, pauvre capitaine! Il ne se doute pas qu'à chaque secousse, la corde m'entre davantage dans la chair! Rien à faire, je n'y arrive pas. Et je commence à geler au bout de ma ficelle. Et vous, comment ça va? Mes forces diminuent. Le froid me paralyse. J'ai compris. Si on attend encore, c'est la chute pour tous les deux. Pas de ça, fiston. Vous pouvez vous sauver. Couper la corde, c'est la seule solution. Jamais! Nous nous sauverons ensemble ou nous mourrons ensemble. C'est malin ce que vous dites là. Mieux vaut une seule victime que deux, non? Coupez cette corde, Tintin! Et jamais, vous m'entendez? Jamais! Jamais je ne ferai ça! Eh ben, je le ferai moi-même avec mon canif! Capitaine! Ce sera vite fait, ne regardez pas, fiston! Capitaine, je vous en conjure! Ne faites pas cette folie, capitaine! Non, c'est 1000 sabords, vous ne me ferez pas changer d'avis! Adieu, fiston! Non, capitaine, non! Ne coupez pas la corde! Non, capitaine! Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Tintin, Jackie Ling, le capitaine Haddock, Edmond Tamise, Tarquet et Milou. Merci. Prise de son, Jean-Just Fork, bruitage et effet sonore, Joël Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante Michel Pietri. réalisation, René Villemet. La radiodiffusion Télévision Française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale de Vincent Vial, réalisation René Villemet. Aujourd'hui, Tintin au Tibet, 15e épisode. Nous avons quitté nos amis au moment particulièrement dramatique où le capitaine Haddock, suspendu dans le vide au bout de sa corde, va la couper afin de libérer Tintin. Mais le jeune homme le conjure de ne pas se sacrifier. Penché au-dessus de la paroi, il voit son vieux compagnon, à 10 mètres au-dessous de lui, sortir son canif. Non ! Non, capitaine ! Ne faites pas ça ! Tenez ! J'ai laissé tomber mon couteau ! De toute façon, capitaine ! Nous restons ensemble jusqu'au bout. Ça vous fera une belle jambe, pauvre dentité. Hé, Tristan, vous avez entendu? Oui, on dirait un appel. Capitaine, c'est la voix de Tarquet. Oh, vite, Tarquet, vite! Voilà, Saïd. Voilà. Courage. Ah, cette fois, nous sommes sauvés, capitaine. C'est merveilleux. En effet, quelques instants plus tard, le Sherpa Tarquet est près de nos amis, sur la petite plateforme rocheuse d'où Tintin tenait le capitaine suspendu au-dessus du vide. Cette fois, la mort les a bien frôlés. Et vous êtes revenu nous chercher, Tarquet. Bravo ! Quel chic type ! Toi, blanc, risquer ta vie pour jeune garçon jaune. Moi, homme jaune aussi, et moi t'abandonner. Moi, me dire poltron et faire demi-tour. Revenir vers toi. Voilà. Merci, Tarquet, merci. Alors, nous continuons ensemble? Oui, Saïb. Eh bien, en route, il n'y a pas une minute à perdre. Allons-y. Allez, va, marche. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 La cordée grimpe de nouveau à l'allure imposée par le solide montagnard Tarqué. On avance lentement, mais sûrement. Les heures passent, le jour décline. Le bleu du ciel s'assombrit, bientôt ce sera la nuit. Mais Tarqué, tout à coup, lève la tête. Vite, dressez camp derrière le gros rocher, là. Tempête bientôt sur nous. Encore ? Oui, Saïb. Vent mauvais côté. Vite. Eh bien, allons-y, capitaine. En effet, ça commence à souffler rudement. Allons-y. Oh, j'en ai vu d'autres des coups de vent. Mais je n'en doute pas, capitaine. Tenez, aidez-moi à défaire la toile de la tente. Montez, tente. Moi, apportez pierre pour fixer. Là-bas, grosse pierre. Ça y est. Étalons-la d'abord. Là, je tiens l'étendeur. Vous fixez les piquets. Vite, Tarqué. Les pierres. Voilà, voilà, Saïb. Merci. Aïe, oh, attention. La toile de la tente m'entraîne. Oh C'était temps, hein? Alors, fiston? Le vent s'est engouffré avec une telle violence dans la toile que j'étais emporté. J'ai essayé de la retenir, mais rien à faire. Elle est loin, maintenant, la toile. 2 mètres de plus, et c'était le précipice. Je sais. Et maintenant, la tente, elle est partie dans la nuit, perdue. Chut. Vous écoutez. les Yétis. Mais qu'est-ce qu'il fait dehors à une heure pareille, ce zouave-là? Lui, de l'autre côté précipice. Pas danger. Nous, maintenant, dresser petite tente à moi pour passer nuit. Bonne idée. Mais tente pour seulement un. Très difficile entre trois. Trop petite. Ouais, essayons quand même, et vite, car ça pince fort cette nuit. Un quart d'heure plus tard, tout le monde est assis dans la petite tente de Tarquet. Pas question de s'allonger, évidemment. Il va falloir dormir comme ça. Mais du moins, nos amis sont à l'abri et par ce temps, c'est le principal. Oh, oh là là! Essayez de vous pousser encore un petit peu, capitaine. J'ai ma jambe coincée. Oh, vous en avez de bonnes. Nous sommes déjà serrés comme les poules. Allons, capitaine. Non, je vous en supplie. Non. Ça, grand malheur, Saïb. Maintenant, nous plus rester là. Tente déchirée. Nous mourir de froid. Nous marcher encore. Marche. Oh, mille sabords de mille millions de tonnerres de bref. Et nous descendre plus vite possible. Oui. Tarka a raison, capitaine. On plie bagage une fois de plus. Allez. Le pouvoir chercher Chang. Hélas. Bientôt, la marche reprend dans la nuit glaciale. Marche épuisante, mais il faut bouger. C'est une question de vie ou de mort à cette altitude. Nos amis avancent toute la nuit, puis toute la journée du lendemain, ne s'arrêtant que pour se restaurer. Enfin, le troisième jour de ce calvaire commence. Il fait moins froid, mais les voyageurs sont à la limite de la résistance humaine. Hé hey, n'en peux plus. Arrêtez un peu, tonnerre. Et puis j'en ai assez. C'est fini, je n'avance plus. Allons, capitaine. Encore un petit effort. Dans quelques heures, nous aurons quitté la région des neiges. Non, continuez sans moi. Mais dormir. Dormir. Dormir. Non, mais dormir ici, c'est la mort, capitaine. Tant pis, dormir. Attendez, j'ai encore un petit peu de cognac dans mon sac. Vous allez en boire une gorgée, ça va peut-être vous donner. Alors, vous pourriez me faire avaler du kérosène. Je fais pas un pas de plus. Je vais dormir. Voilà. Dormir. Tintin Saïd ! Tintin Saïd, vite ! Tu dois venir voir avec Jumelle. Voilà, Tarquet, voilà. Oh, toi content, Saïb. Saïb à Barboussi. Tiens, là, en bas. Victoire. Une lamasserie. Là, nous dormis. Capitaine, debout. Une lamasserie. Hein? Debout, capitaine, voyons. Une lamasserie, je vous dis. M'en fiche. Le monde peut crouler, je bouge plus. Je vais dormir. Jusqu'à ce que je reviens. Attention! Ne pas rester ici! Le sol se dérobe, nous tombons! Attention, c'est la fin! Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Tintin, Jackie Ling, le capitaine Haddock, Edmond Tamise, Tarquet et Milou. Prise de son, Jean-Jus Forgue, bruitage et effet sonore, Joël Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante, Michel Pietri, réalisation, René Villemet. La radiodiffusion Télévision Française présente Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Un feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale de Vincent Vial. Réalisation René Villemet. Aujourd'hui, Tintin au Tibet, 16e épisode. Toujours à la recherche du jeune Chang, perdu, pense Tintin, dans les montagnes du Tibet, la petite cordée composée de Haddock, du jeune reporter et du Sherpa Tarquet doit redescendre précipitamment pour ne pas mourir de froid. Après 3 jours d'une marche forcée, le capitaine, épuisé, déclare qu'il ne fera pas un pas de plus, et Tintin essaie en vain de le remettre sur pied. À ce moment précis, Tarquet, qui fouillait la montagne de ses jumelles, Tarquet pousse un cri. Il vient d'apercevoir, plus bas, entre deux montagnes, une lamasserie. C'est la fin de leur tourment. Du moins, il le pense. Mais tout à coup, un grondement se fait entendre sous leurs pieds, puis un craquement terrible. La grande corniche glacée sur laquelle ils étaient vient de se détacher de la montagne et roule dans le précipice. Écoutez, écoutez, la déesse blanche se fâche. Il va se produire quelque chose. Allons, allons, foudre bénie. Ne soyez pas crédule comme un paysan de Popping. C'est une avalanche et rien d'autre. Il va se passer quelque chose. Oh, regardez, foudre bénie s'élève dans les airs. Il va de nouveau avoir une vision. Oh, foudre bénie avec ses visions, quand on pense qu'il est myope comme une taupe de vieille pionce. Silence! Foudre bénie va parler. Je vois 3 hommes. Non, 2 hommes et un jeune garçon au cœur pur, avec un petit chien blanc comme la neige du matin. Je vois... Oh, oh, oh, ils sont en péril de mort. Cœur pur marche. Il marche. Il est à bout de force. Oh, oh, oh, cœur pur, ça bat lourdement sur le sol. Oh, oh, oh, mon pied, oh, oh. Vous savez bien que foudre bénie est myope comme une taupe de Waipiong. Pourquoi riez-vous? Oh, ma tête. Venez, foudre bénie, venez. Je vous raccompagne au monastère. Écartez-vous, frère. Laissez passer, foudre bénie. Au cours de son exercice de lévitation, foudre bénie a eu une vision. Et il a décrit ce qu'il voyait avec assez de précision pour que le doute ne nous soit plus permis. Tintin est en difficulté. Il est en difficulté, oui, mais vivant. Or, après l'avalanche, on pouvait craindre le pire. Tintin ! Tintin ! Mon Dieu ! Un yak énorme vient renifler Tintin évanoui. C'est une bête aux larges cornes et aux longs poils gris et blancs. L'animal doit peser dans les 500 kilos. À une quinzaine de mètres, Milou, derrière un rocher, est terrorisé. Le mufle baveux de l'animal s'approche de la tête de Tintin, toujours inanimé. Il prend l'écharpe jaune de notre ami entre ses dents et tire, tire, tire. Sapristi, un yak. Oh, la brute. En broutant mon cache-col, il a failli m'étrangler. Milou. Milou, viens ici. Allons, reviens, Milou. Oh. Ouh là là là là là là. Et maintenant, il faut sauver les autres. Ouh. Ouh là là. La lamasserie. Il faut prévenir les moines. Impossible d'avancer avec cette cheville foulée. Ouh là là là là, je ne peux pas. Il n'y a qu'une solution, Milou, une seule. Quoi ? C'est toi. C'est toi qui vas nous sauver tous. Un message. Tu vas porter un message à la lamasserie. Attends. Voilà. Et tu reviendras avec du secours. Tu as compris ? Oui. Tu portes le message là-bas. Voilà, je l'écris. 2 mots suffiront. Au secours. SOS. Help. Là, ils comprendront. Tiens. Allez, va, mon chien, va maintenant. Notre salut dépend de toi et de toi seul, ne l'oublie pas. Oui. Allez, bonne chance, Milou. Vite, vite, Milou, vite. Milou détale de toute la vitesse de ses petites pattes le précieux billet entre ses dents. Il contourne ou saute les obstacles. Il sait qu'il a un devoir à accomplir et il va, notre ami à quatre pattes, il va à un train de lévrier de course. Ah, malédiction! En travers de son chemin, un os, un magnifique os de yak. Milou s'est arrêté. Encore une fois, en sa conscience de chien, le bien et le mal s'affrontent et encore une fois, c'est le mal qui triomphe. Milou, lâchant le message, s'accroupit et commence à ronger l'os. Mais tout à coup, il dresse la tête et cherche le petit papier que lui a confié son maître. Il ne le voit plus, s'affole, cherche, court de ci, de là, revient, repart. En vain, le papier a disparu. Alors il prend une décision et, abandonnant son os, il fonce de nouveau vers le monastère. Quand il arrive, un jeune Tibétain va pénétrer dans la cour intérieure, gardée par deux lamas munis d'énormes bâtons. Milou se précipite sur le garçon. Ensemble. Quand nous serons assez près, à mon signal, nous le frapperons avec nos bâtons. Oui. Oh, regardez cette air féroce. Attention encore un peu. Oui, oui. Attention, hein. Il faut le frapper à la tête ensemble. Hein. Un, deux. Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Gaëtan Genre, Foudre Béni, Clément Harari, Cheveux Malins, Laurence Badi, Lobsang, Yves Penaud, Savoir Infini, Nicolas Amato et Albert Medina, Les Lamas Bâtons et Milou. Prise de son, Jean-Just Fort, bruitage et effet sonore, Joe et Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante, Michel Pietri, réalisation, René Villemet. La radiodiffusion Télévision Française présente Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Un feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale de Vincent Vial. Réalisation René Villemet. Aujourd'hui, Tintin au Tibet, 17e épisode. Dans les montagnes du Tibet, nos amis Tintin, Haddock, Tarquet et Milou ont été emportés par une avalanche. Nul n'a été témoin de la catastrophe, mais un moine d'une lamasserie voisine a eu une vision. Au cours de son extase, il parle d'un jeune homme au cœur pur et d'un petit chien blanc qui serait en danger de mort dans la montagne. Peu après ces révélations, un chien blanc de petite taille pénètre en effet dans la cour du monastère en grognant furieusement. C'est Milou qui vient chercher du secours. Mais les lamas le croient enragé, le poussent dans un coin et s'avancent vers lui avec la ferme intention de le tuer. Attention, ne le manquons pas. Hein. Deux... Halt ! Ne touchez pas à ce chien ! Allez, frère, il est enragé ! Non, non ! C'est certainement Neige de Matin dont Foudre Béni a eu la vision. Il doit y avoir des hommes en perdition du côté de la déesse blanche. Il faut aller à leur recherche tout de suite. Nous vous suivons. Ce n'est pas moi qu'il faut suivre, mais ce chien blanc qui nous indiquera le chemin. Dépêchons-nous, vous, frère. Donnez l'alarme. Bientôt, un groupe de lamas quitte le monastère derrière Milou. Ils emportent quelques provisions et surtout des médicaments. Ils grimpent vers la déesse blanche, la montagne sur laquelle l'avalanche a surpris nos amis. Pendant ce temps, au monastère tibétain, on se prépare à recevoir les malheureux alpinistes. C'est le lendemain soir seulement que la caravane revient. Et le surlendemain matin, la voix lugubre d'un gong se fait entendre. Ah oui, ça va, la cloche, oui, oui, c'est l'heure. Allons, debout là-dedans, il faut se remettre en route. Mais qui êtes-vous? Oh, mille sabords, ce sont des statues grimaçantes qui me regardent. Oh, je comprends. Nous devons être dans une lamasserie, oui, ce sont des statues bouddhiques. Mais tonnerre, comment ai-je atterri ici? Et les autres? Tintin, Tarqué. Ah, oh, ça, j'aimerais bien le savoir. Je vais faire une petite reconnaissance. Ce que j'ai sommeil. Voyons mes chaussures. Ah, les voilà. Ah, quand j'y pense, quelle chance j'ai eue. Ah, ben ça, on peut le dire. Ah, ben, j'espère qu'il en est de même. Oh, ça, il faut que je le sache tout de suite. Il le faut. Et Haddock, après avoir essayé en vain d'enfiler ses chaussures, sort de sa chambre en chaussettes, suit des couloirs, monte un escalier, quand tout à coup, il entend un murmure de voix derrière une porte. Il s'approche, frappe et entre, ses souliers dans chaque main. Ah, c'est... Oh, je vous demande pardon, mais vous n'auriez pas un chausse-pied? Oh, Tintin, Étarqué et Milou. Oh, quelle joie de vous revoir tous. Dans mes bras, mon petit, dans mes bras. Comme je suis content de vous retrouver en pleine forme, capitaine. Bienvenue à toi, noble étranger. Prends place parmi nous. Merci, grand sachem. Mais dis-moi, jeune étranger, tu me parlais du véritable but de votre voyage. Quand ton ami est entré. En effet, grand précieux, voilà. Il s'est produit récemment au Népal une catastrophe aérienne dans laquelle tous les passagers auraient péri. Or, un de mes amis, un jeune chinois nommé Chang, était dans cet avion. Oui, figurez-vous, grand vizir, que ce moussaillon-là, sous prétexte qu'il avait vu en rêve son ami Chang vivant, s'est fourré dans la caboche de le retrouver. Il a fallu qu'il appareille pour le Népal. Et moi, comme un vieux rafio, je me suis mis à la remorque de ce gamin. Mais capitaine, permettez... Mais rien du tout. Nous avons marché des jours et des jours. Nous avons escaladé des tas de rochers. Nous avons rôti au soleil et gelé dans la neige. Nous avons dégringolé dans les crevasses. Nous avons reçu des avalanches sur la tête. Et ce n'est pas tout, grand mufti. Le Yeti m'a fauché une bouteille de whisky à peine entamée. La dernière que je possédais. Non, enfin, capitaine, me laisserez-vous expliquer? Et tout ça pour rien, grand mogol. Pas plus de chant que tenez sur le crâne de votre collègue à côté de vous, là. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il y a sur mon crâne? Rien, rien. Enfin, je veux dire, ne vous inquiétez pas. Ainsi donc, c'est uniquement pour rechercher ton ami Chang que vous avez bravé tous ces dangers. Oui, grand précieux. Et que vous seriez mort si votre chien n'était pas venu nous alerter. Eh oui, grand précieux. Eh oui. Mon brave chien. Hélas, jeune étranger. Ici, au Tibet, la montagne garde ceux qu'elle a pris. Les vautours les font disparaître. Tel aura été le sort de ton malheureux ami. Jamais, jamais tu n'en retrouveras la moindre trace. Ah, en voilà toujours une. Une quoi? Comment une quoi? Une chaussure, évidemment. Oui, évidemment. Et la seconde capitulera comme la première, mille tonnerres de Brest. C'est moi qui vous le dis. Écoute-moi, jeune homme généreux. Il faut abandonner tout espoir de revoir jamais l'ami qui était si cher à ton cœur. Mais grand précieux... Notre règle nous interdit d'héberger des étrangers à notre ordre. Demain, une caravane part pour le Népal. Je vous invite à en profiter. Ah, bonne idée, ça, grand chose. Grand bazar. Eh bien, nous partirons avec cette caravane, grand précieux. Nous vous remercions encore de votre accueil. Sans vos moines, nous ne serions plus de ce monde. Qu'on reconduise les étrangers. Cette fois, il n'y a plus d'espoir. L'aventure est terminée et nos amis vont regagner l'Europe sans avoir retrouvé le petit Chang, prisonnier de la montagne pour toujours. Une dernière nuit dans la lamasserie, puis Tintin et Haddock rebouclent leurs sacs. Enfin, ils font leurs adieux aux lamas qui les ont sauvés. Et la mort dans l'âme, ils se dirigent vers la caravane qui n'attend plus qu'eux pour se mettre en route. Oh, j'ai l'impression de ne pas avoir fait tout ce qu'il fallait pour retrouver Chang, capitaine. Et vous avez fait tout ce qu'il était humainement possible de faire, non, fiston. Vous croyez? Hé! Hé! Cœur pur! Tiens, on vous appelle derrière. Eh oui. Ah! Cœur pur, tu as oublié ça. Mon Dieu, l'écharpe de Chang. Merci, vous êtes très gentil. Mais qu'avez-vous? Oh, ça... Il s'élève au-dessus du sol. Ça, alors, c'est pas possible. Il vole en l'air et il serre l'écharpe de Chang dans ses mains. Je vois le museau du yak dans l'œil. Une grotte. Je vois le jeune garçon à qui appartient cette écharpe. Quoi? Il est étendu sur des branchages. Pas possible, il a un truc. Chut. Hélas, les démons sont venus l'habiter. Le jeune garçon a la fièvre. Mon Dieu. Mais on s'approche de lui. Qui est-ce? Oh, je distingue mal. Oh, je vois mieux maintenant. Moi, je vais le photographier, sinon on nous croira jamais. C'est vous. Je vois. Mais que voyez-vous? Vite, que voyez-vous? Non. L'amigo. L'amigo. Capitaine, je n'ose comprendre. L'amigo. Mon Dieu. Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jackie Ling Haddock, Clément Harari Cheveux Malins, Kidou Yen Le Grand Lama, Gaëtan Genre Foudre Béni, Albert Medina et Nicolas Amato Les Lamas Bâtons, Yves Penaud Savoir Infini et Milou. Prise de son Jean-Jus Fock, bruitage et effet sonore Joe et Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante Michel Pietri, réalisation René Villemet. Il nous reste quelques secondes, bonsoir à tous. Nous vous demanderons encore une fois, jeunes et nombreux amis, de ne pas nous envoyer de timbre pour les réponses à vos lettres. Merci à Sylvie Cheroutre qui nous raconte le rêve qu'elle a fait récemment. J'ai rêvé que je vous envoyais un dessin où les personnages d'Hergé bougeaient. Et en appuyant sur un bouton, l'abominable homme des neiges se penchait vers Tintin, Milou, Haddock et tous les trois s'enfuyaient. Ce rêve était un cauchemar, Sylvie, et j'espère que vous n'en avez plus fait de semblable. Merci beaucoup pour les petites fleurs et le charmant dessin. Et à bientôt sur l'antenne. Sur ce, nous vous quittons tous en vous disant bonsoir et merci. Ces épisodes, 14, 15, 16 et 17 des aventures de Tintin au Tibet, ont été diffusés les 27 et 29 octobre, 1er et 3 novembre 1960 sur France 2 Régionale. Un document INA à réécouter en ligne ou à télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.